partie aussi des 39. Moi, je trouve que vous étiez très riche. Je crois que les deux premiers nous ont montré, malgré peut-être les nuances du troisième, quand même le lien qui me serait, à mon avis, à approfondir, ça pourrait faire objet de thèse, entre certaines pratiques, que ce soit les pratiques sécuritaires, comme tu disais, ou certaines thérapies, tout le financement, toutes les nouvelles directives par rapport à la santé. Je crois que là-dessus, parce que ce n'est pas tellement, enfin, à ma connaissance, ça, ce n'est pas des choses qui sont tellement dites, hein, qu'effectivement, si on fait des thérapies comportementales, ben, c'est peut-être parce que ça coûte moins cher que les autres, bon, effectivement, d'une manière un peu schématique. Le deuxième point, par rapport à ce que vous disiez du savoir et du pouvoir, je crois que ça, c'est un problème de société. J'ai l'impression que dans les entreprises, les ingénieurs n'ont plus le pouvoir. Il y a 20 ans ou 30 ans, c'était les ingénieurs qui devenaient PDG, qui dirigeaient les entreprises, qui avaient le pouvoir, qui pouvaient décider. Maintenant, c'est le directeur des affaires financières ou c'est d'autres. Donc là-dessus, je ne sais pas comment on peut lutter, mais on n'est pas tout seul, hein, effectivement. Et puis le troisième point, je crois que c'est aussi dans un contexte global d'attaque de la démocratie. Et de manière générale. Et moi, j'étais frappé, enfin, par exemple, j'avais un ami qui était président de CME, et un jour, le directeur lui a dit très sérieusement, vous n'avez pas de légitimité puisque vous êtes élu. Et il le disait parce qu'effectivement, pour lui, être élu, c'est-à-dire donc d'être sensible aux pressions des collègues, etc., tandis que lui, il avait la légitimité de l'État, hein, qui pouvait, par-dessus la démocratie, faire un certain nombre de, imposer un certain nombre de choses. Voilà ce que je voulais souligner. Je voulais revenir sur les deux dernières interventions, enfin sur l'ensemble d'ailleurs, et notamment sur la question de l'évaluateur qui est placé dans une position d'ignorance, ce qui lui garantit d'une certaine façon la neutralité dans la mesure où il remplit une grille. C'est pas ce qui pour autant, à mon avis, lui donne du pouvoir, parce que l'ambiguïté, elle est là aussi, c'est que en fait, ces évaluateurs sont au service du pouvoir, mais en ont extrêmement peu. C'est-à-dire, on leur dit aussi que, de toute façon, à la limite, les évaluations n'ont aucune importance si elles ne sont pas conformes aux attentes qu'on a de ces évaluations. Et en fait, toute l'ambiguïté, c'est que nous-mêmes, en tant qu'agents évaluateurs, ne connaissant pas les sujets qu'on évalue et qui assurent notre neutralité, nous ne sommes que des agents d'un pouvoir qui organise les structures telles qu'il entend les voir remonter, en quelque sorte. Et je crois que là, c'est important d'établir une nuance. Ce n'est pas le non-savoir qui fait la valeur, d'une certaine façon, de l'évaluation et l'assurance de la neutralité. Le non-savoir permet d'imposer des grilles censément neutres qui, en fait, dépossèdent absolument la communauté de toute évaluation réelle sur nos pratiques. Et parce qu'il y a quelque chose qui est quand même assez frappant, on se plaint tous d'être mobilisés en permanence par des évaluations multiples, en ayant, je ne sais pas si vous le vivez comme ça, mais en tous les cas, c'est mon cas, le sentiment d'être absolument dépossédé du fonctionnement des institutions qui sont celles dans lesquelles nous nous sommes inscrits. Donc il y a ce paradoxe, en fait, qui fait que nous évaluons à tour de bras. Nous sommes dans les différentes instances qui existent et en même temps dépassés d'une certaine façon par les événements, incapables en tous les cas d'arrêter cette machine folle dont les trois quarts des gens qui y participent reconnaissent qu'elle est folle. Donc ça, c'est une première chose et ça m'amène à un deuxième point que j'aborde beaucoup plus rapidement. Non, elle est folle pour nous, c'est-à-dire que nous, on a le sentiment qu'elle nous dépasse en permanence et qu'elle est insensée pour nous. Voilà, elle n'est pas non pensée, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais elle nous paraît dans ce qu'elle fait dangereuse et à bien des égards insensée. Et d'autre part, les pratiques de résistance dont vous avez parlé, qui sont évidemment tout à fait essentiel, pose, à mon avis, malgré tout, un problème, c'est que rentrer dans la langue de l'autre pour... C'est rentrer, mais pas complètement pour la subvertir, juste pour la vider, en fait, et continuer à faire sa pratique, c'est aussi faire fonctionner, ou en tous les cas, ne pas s'opposer ouvertement à ce qui est donné comme norme. Et c'est toujours un petit peu la difficulté qu'on a, effectivement. Victor de Macedo, psychanalyste. Je pense que c'est tout à fait juste la description que vous venez de reprendre, pourrais prendre le mot d'un ami qui a dans le mouvement de 39, Patrick Chemla. Il dit, nous sommes un mouvement minoritaire des masses. Ce qui rejoint les observations qui ont été faites, à savoir, si la débrouille de marquer protocole et ses vides est encore maintenant une possibilité de survivre, c'est qu'une organisation de cette résistance est pour l'instant quelque chose de très précaire. Et quelqu'un qui voudrait, un établissement qui voudrait déclarer la guerre à ce qui est devenu la loi, tout simplement, il cesserait d'exister. Peut-être avec un panache romantique, mais voilà. Ce qui me paraît, je ne sais pas parmi les trois présentations qui nous ont été faites, quelle est la plus horrible. Mais je vais partir de la troisième parce que je crois qu'elle indique, me semble-t-il, quelque chose qui est une absence dans la rationalité qu'on veut nous imposer, parce que ce n'est une, c'est une rationalité néolibérale, de laquelle je pense qu'il faut exclure un certain nombre de choses pour qu'elles puissent marcher. Il faut exclure tout ce qui pose problème, qui ne soit pas codifiable selon une grille qui a été bâtie d'une façon à rentabiliser le plus et la productivité et à qualifier comme positif le rapport au monde. Je trouve que la description qui a été faite, elle est très parlante puisque si on se réfère à Foucault, la déraison et la raison étaient un couple dialectique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette rationalité qu'on veut nous imposer, elle va avoir, par rapport au fou, un jugement de non-existence. Ça nous rappelle des choses. Ça nous rappelle des choses qui ont été les grandes blessures dans l'histoire et les stigmates qui sont toujours là, à savoir comment on reprend de plus en plus une modalité du traitement du réel qu'on va réduire à ce qu'on définit comme étant les réels. Et pour cela, il y aura beaucoup de monde qui va encore manquer, pour reprendre une expression célèbre, puisqu'il manque du monde dans les mondes après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai donc qu'il ne faut absolument pas enlever de la résistance par rapport à la possibilité de penser la réintroduction de la folie comme pas seulement un contraste, mais ce qui permet de nous attribuer à tout un chacun un jugement d'existence qui soit problématique, qui reprenne l'angoisse comme élément fondamental de nos vies, sans que cela soit défini comme un moins, mais que cela soit tout simplement défini comme faisant partie de notre condition humaine. Et ce que je trouve très intéressant dans la troisième intervention, c'est qu'il y a réellement une tentative de redéfinir la condition humaine et que c'est là la bataille et que c'est une bataille gigantesque dans la mesure où on va travailler à partir de choses qui sont à la fois très délicates, très subtiles, dans la nuance du subtil par rapport à des machines qui sont là en place pour couper dans les vifs du réel et de donner à la société, avec l'adhésion même des chercheurs, alors, une image de ce qui pourrait être une nouvelle humanité. Ce n'est pas un rêve inédit dans le monde. Je suis interne en psychiatrie. Je voulais juste reprendre, rajouter une petite chose à ce que vous avez raconté concernant la psychiatrie universitaire, où certes les psychiatres universitaires sont une minorité au sein de la psychiatrie française et donc n'ont pas tant de pouvoir que ça, c'est vrai, même quelque chose de représentation en tout cas. Mais il y a quelque chose qu'il faut noter et qui est très important, c'est que c'est la psychiatrie universitaire qui va décider de la formation de toutes les nouvelles générations de psychiatres. C'est eux qui établissent les programmes et qui choisissent tout, et ce, dès la première année de médecine. Et avant de commencer l'internat en médecine, il y a 6 ans en médecine où on va abreuver les étudiants de psychiatrie universitaire, qui n'a rien à voir avec l'ensemble de la psychiatrie, qui ne va présenter qu'une petite parcelle de la psychiatrie. Ce qui fait que nombre de mes collègues qui sont arrivés, qui ont choisi psychiatrie comme métier, comme spécialité, n'ont eu qu'un petit aspect et ils vont très vite, évidemment, être obligés de rencontrer des patients, ce qu'on ne leur a pas appris, et ce qui va générer une angoisse monumentale. Ils vont être effrayés. Et du coup, vers quoi ils vont se réfugier? Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont demander? Des évaluations, un cadre extrêmement fort et des réponses très précises et très objectives. Et moi, j'ai encore des collègues la semaine dernière qui ont demandé à avoir absolument un séminaire très important de pharmacologie pour pouvoir traiter les patients qui leur font peur et qui parlent un peu fort. Et je pense que ça, il faut absolument avoir ça en tête pour pouvoir lutter, parce que sinon, au bout d'un moment, il va y avoir un étouffement par toute la nouvelle génération si c'est pas pris en compte. Et il faut pouvoir proposer une autre offre et surtout une information de toute cette nouvelle génération. Et c'est là où le pouvoir des universitaires est très, très, très puissant et peut-être le plus important. Haddad, donc historien chargé de membre du CA de l'association Sauvons l'Université, qui elle aussi essaie de lutter contre les réformes actuelles. Moi, je trouve absolument fascinant de voir à quel point les logiques sont les mêmes quand on les prend à un niveau macro, c'est dans les différents. Dans les différents domaines. C'est assez intéressant d'ailleurs, il faudrait revoir. Il y a des travaux là-dessus, ce qui se fait du côté de la sociologie des professions, définie au sens anglo-saxon, hein, je crois, du terme, ces professions qui précisément alliaient un savoir et une, on va dire, autonomie ou une indépendance dans la propre élaboration de leurs normes et de leur évaluation, et qui sont remises en cause et attaquées, et dont les attaques ont pu parfois utiliser les outils mêmes d'une sociologie critique et remettant en cause le fonctionnalisme qui était à l'origine de la sociologie des professions telle qu'elle s'était développée aux États-Unis et ensuite ailleurs. C'est assez intéressant de voir intellectuellement les enjeux de ce point de vue-là. Christian, tu aurais peut-être plein de choses à dire là-dessus. mais alors, je voulais revenir sur quelque chose que j'entends, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais dans le dernier propos qui réagit aux deux précédents et qui est quelque chose que je pense fortement parce que du fait même du titre de l'association, du nom de l'association pardon, à laquelle j'appartiens, Sauvons l'Université. Évidemment, la question du sauvons, quelque chose qui était avant, comme si cet avant était la panacée, pose problème. Or, évidemment, ça n'est pas du tout ce que nous envisageons, mais ce sont des principes. Or, qu'on pense qu'il y a à sauver. Et il y a donc tout ce rapport à ce qu'il y avait avant, et je pense que là, il y a quelque chose qui pointe vers là. Il me semble que ça pose une question, ce que vous avez dit, et la critique que vous formulez, qui est: qu'est-ce qui vient en premier qui explique le changement de paradigme de la folie à la santé mentale, si je résume extrêmement brutalement? Nous, comme on se tape les réformes maintenant, là, on voit assez bien comment se sont les modalités du nouveau management qui réorganisent la recherche et font changer toutes les pratiques, mais aussi, du coup, les champs même de la recherche. Donc, ce qui vient avant, me semble-t-il, c'est le nouveau management. Et je me posais la question, est-ce que ce n'est pas non plus ce qui s'est passé dans le domaine de la psychiatrie ? C'est-à-dire, est-ce que ce qui vient avant, ce n'est pas le nouveau management plutôt que le changement de paradigme scientifique sur la folie ? Il me semble que c'est un point important à éclaircir pour essayer de voir comment les choses se déroulent. Voilà. Un mot sur cette question que je trouve absolument passionnante. J'ai été très très vite. Je pense justement pas que ça soit un changement de paradigme scientifique. Je pense que c'est vraiment un changement de paradigme moral qui introduit la place du sujet psychologique comme le représentant d'un sujet politique. Et c'est ce changement-là qui apparaît à partir des années 70-80 qui va mettre en place, pour la psychiatrie en tous les cas, mais je pense pour plein d'autres domaines, une importance considérable qui va avoir l'individu, son intimité, pour la sphère publique et la sphère politique. Et qu'aujourd'hui, on gouverne d'autant mieux qu'on gouverne des psychismes, très entre guillemets, parce que c'est justement pas le psychisme de la façon dont les psychologues, les psychanalystes, les psy quelconques l'entendent. Et que ce mouvement-là, au fond, l'individu, si aujourd'hui on devait définir c'est quoi un individu moderne, c'est pas un citoyen, c'est pas un homme qui va voter, c'est quelqu'un qui a un psychisme, qui souffre de temps en temps, qui a des émotions, et on voit bien comment cette souffrance, cette émotion, tout ce qui se met sur la scène publique, qui était à l'origine du privé, mais qui reste public dès lors qu'on le met sur la scène publique, fait partie des modes de gouvernance. Et il me semble que, on va pas reprendre le discours de la poule et de l'œuf, les deux vont ensemble, mais les nouvelles techniques de management sont parfaitement compatibles avec cela, parce que la santé mentale est un enjeu qui dépasse de très très loin l'opposition entre la santé, vraiment la maladie et pas la maladie. Je crois qu'on est dans une toute autre organisation des représentations collectives et des modes de gouvernance politique, ce qui traduit aussi, alors là c'est une question que j'ouvre, comment un certain nombre de modes de lutte qui ont pu être efficaces à une certaine époque ne le sont plus aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est parce que les ennemis, pour reprendre votre terme, sont plus forts, ou est-ce que parce que les armes ne sont pas complètement adaptées ? C'est vrai que moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'aujourd'hui, les armes ne sont pas complètement adaptées pour lutter contre le néolibéralisme. Je ne pense pas qu'ils soient plus forts que cela. Mais nos armes ne sont pas complètement adaptées, et notamment, ce signifiant « sauvons-le » est un truc, je pense, qui marche pour nous, qui ne marche pas dehors. Alors ça, c'est une question. Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être qu'il faut changer de signifiant. C'est important cette question de résistance. En effet, on ne peut pas complètement dire, même on ne peut pas dire du tout, que ce soit satisfaisant de l'entrisme, en quelque sorte, de dire on reprend la langue de l'ennemi, mais on fait semblant, quoi, on fait du théâtre. Pour moi, c'est quand même vraiment du dernier recours. Le problème, c'est qu'on est tout le temps sur une ligne de crête entre les deux, quoi, entre un refus affirmé et une affirmation de notre éthique, et parfois la ruse. Alors bon, après, c'est au cas par cas. Moi, dans mon service, pour la question de la chaîne du froid, donc ça fait qu'on n'a plus le droit de faire la cuisine avec les patients. C'est tout. Ce qui est une connerie monumentale. Et donc, on est obligé de manger des trucs sous guide. Bon, alors clairement, mon chef de service, il a complètement refusé ça. Il a foutu dehors les personnes qui sont venues amener les premières barquettes, etc. C'était il y a quelques années. Depuis, on n'a plus été embêtés. Alors pourquoi là ça a marché, je ne sais pas, mais là ça a marché. Il y a des choses comme ça ponctuellement qui marchent, je crois. Mathieu, quand on a eu les trucs des grippes, nous on avait refusé aussi de faire les vaccinations, voilà. Enfin, c'était tout un truc compliqué. Parfois on peut, c'est la meilleure manière finalement d'affirmer ce en quoi on croit et ce qu'on refuse. Le problème c'est qu'effectivement des établissements parfois ferment et donc, par défaut, on fait des choses un peu comme ce qu'a décrit Mathieu. Bon, il y a sûrement quelque chose à élaborer autour de ça. Hein. Moi, pour répondre à cette question, je pense que dans notre boulot, il y a une partie très importante de, au fond, pouvoir distinguer les espaces psychiques, les espaces politiques. Et quand on s'adresse dans la langue de l'ennemi, ça ne veut pas dire qu'on s'adresse tout le temps dans la langue de l'ennemi. Pardon. On voit bien qu'on a notre langue à nous pour travailler, pour penser, pour rêver. Mais quand il s'agit de partir au front pour la chaîne du froid, pour tous ces trucs-là, soit on y va tête dans le mur et on a beaucoup, il faut du monde derrière nous quand même, un petit peu. C'est Portelli qui disait au meeting des 39, il y a des moments où il faut dire non. Alors ça, on le fait, mais il y a des fois, si on dit non, on se casse la gueule. Donc il faut pouvoir distinguer ces registres et pouvoir faire avec. Donc c'est jamais... on ne sait jamais si ça va marcher ou pas, donc on est sur la corde raide. Mais alors, pour parler des luttes dans le néolibéralisme, là, j'ai lu un texte, ils font un séminaire d'ailleurs qui est fort intéressant, de Pierre Dardot et Christian Laval, avec Tony Negri là, en ce moment. Et ils viennent d'écrire un texte sur, au fond, le mode de grippage de la machine actuellement, c'est justement bloquer les flux. C'est Monzin qui disait une rencontre que le capitalisme, il est deleuzien et foucauldien actuellement. Il marche par flux, quoi. Et qu'au fond, la question, là, ce qui s'est passé avec l'essence, il y a quelques semaines, où là, on bloque les flux. C'est plus un blocage massif et compagnie, mais ça paralyse tout le monde. Donc il y a peut-être quelque chose à élaborer de ce côté-là. Voilà. Et puis, par rapport à l'œuf, la poule, moi, ça me faisait penser quand même à la question de la perversion d'un certain nombre de mots d'ordre. C'est-à-dire qu'en psychiatrie, tous les mots d'ordre progressistes des années 60, sortir le de l'hôpital, le désaliénisme, les usagers, tous, ils ont été pervertis et repris par la rationalité actuelle. Les usagers, ça a donné les bons patients, les groupes d'entraide mutuelle, ce que vous disiez sur le handicap psychique, les alternatives à l'hospitalisation, ça a donné la rue et la prison. Enfin, bon, voilà, et on peut multiplier ça. Ça s'appuie aussi sur la langue. Par exemple, en psychiatrie, on ne dit plus cellule d'isolement, on dit chambre de soins intensifs. On ne dit plus camisole de force, on dit contention physique. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'outils qui permettent de pervertir les choses, quoi. Et le problème, c'est que nous, on reste sur les anciens mots. Par exemple, il y a eu des batailles homériques, j'allais dire oniriques, j'aurais bien aimé, mais des batailles homériques au sein des 39 entre des gens qui avaient la pensée et les mots du désaliénisme, donc des années 60, etc., et qui reprenaient ces mots, mais qui n'avaient pas vu justement qu'il y avait eu des torsions de sens en l'espace de 30 ans. Et alors ça donnait des conflits qui n'avaient plus lieu d'être, justement. Voilà, donc il faut être, je pense, très attentif à ce qui nous est proposé comme mot aussi. Enfin, c'est le truc de Klemperer, quoi, un peu. Ça distille. Ce que je veux dire aussi, c'est que vous dites Richard Eichmann, et pourtant ça marche, toutes ces choses-là, ouais, je pense que ça marche. Bah, ce que dit Victor, je crois que c'est un peu ça la clé, quoi. C'est-à-dire que le conflit psychique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement angoissant, et dans le fond, tout ce qui, on peut même dire un peu quelque part, tout ce qui est une manifestation de l'inconscient, tout ce qui n'est pas directement explicable, c'est extrêmement angoissant. Alors la chose intéressante dans toutes ces méthodes-là, c'est que ça lutte contre le conflit psychique. Ça lutte très très fort contre ça. Et pour moi, vraiment, ce service de TCC, c'est un bon paradigme, notamment la pensée positive. Il faut quand même voir ce que c'est que ça, quoi. C'est-à-dire, c'est un service entier où on demande aux patients de transformer tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils disent en positif, et les soignants se l'appliquent à eux-mêmes. Donc c'est une institution où les conflits sont gérés de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils sont mis de côté, on va dire que c'est Orwell, c'est la double pensée. On modifie tous les jours le journal et les gens s'obligent à oublier. Ils croient que ce qu'ils disent, ils ont oublié que c'était autre chose la veille. Donc c'est ça, hein, quand même. C'est comme ça qu'on gère les conflits psychiques. Alors bon, effectivement, ça évite peut-être certaines disputes, certaines engueulades, ou ça surgit par autre chose, les gens sont malades, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je pense que ça marche pour ça, parce qu'effectivement, les internes, complètement après un lavage de cerveau de 6 ans, au DSM, où on leur explique que tout est objectif, explicable et très très simple, face à des patients qui les font flipper, et bien vite, ils veulent que ça revienne, qu'on leur réexplique tout ça et qu'on leur redonne des recettes. Et finalement, dans les services, il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça, qui préfèrent mille fois qu'on se mette tous d'accord pour penser positivement, plutôt qu'on fasse des réunions pour évoquer des conflits institutionnels. Voilà, je voulais dire ça. Et puis par ailleurs, pour la question des évaluateurs, moi, je pense aussi que la question des évaluateurs ignorants, disons, en face ne puisse rien leur dire, c'est surtout parce qu'ils sont plus facilement asservis, du coup. Alors moi, j'avais été assez frappée dans le domaine de l'entreprise publique, de l'audit et du conseil. Quand même, dans ma génération, c'était très encouragé de devenir consultant, de faire des conseils, etc. Et tous ceux qui faisaient ça étaient donc des jeunes personnes extrêmement inexpérimentées qui se retrouvaient dans des entreprises à expliquer leur boulot à des gens, boulot que eux ne connaissaient pas du tout. Et donc, c'était évidemment l'agent, ils étaient les agents du néolibéralisme, ils ont 10 ans à s'en rendre compte. Parce que pendant des années, ils avaient se senti en plus être très valorisés d'être consultants, de faire des conseils, etc. Donc, c'est les meilleurs qui font ça, c'était bien sur un CV. Et moi, je crois que c'est tout simplement une méthode totalitaire. Enfin, moi, ça me fait penser à la manière dont on utilise les enfants dans les dictatures. C'est-à-dire que voilà, on valorise des personnes inexpérimentées qui vont appliquer des systèmes. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait le cas des évaluateurs dans les établissements publics, parce qu'ils sont un peu moins à fond dedans que dans les boîtes privées. Mais je crois que c'est juste une méthode totalitaire. Voilà. Bon. À partir du diagnostic que Richard a fait tout à l'heure, ce qui caractérise la situation actuelle, c'est que les psychiatres ont perdu le pouvoir qu'ils avaient auparavant, c'est-à-dire pas du tout. Au profit des gestionnaires, c'est-à-dire au profit à la fois de gens qui sont finalement et de gens qui veulent faire un bien. C'est une description aussi. Mais quand on écoute la description des points d'article qui dirait que l'organe fait de fonctionnement des services, la question que je viens à l'esprit, c'est qui a inventé les CC. C'est-à-dire que les psychiatres ont peut-être perdu le pouvoir dans l'institution, mais néanmoins, toutes les apparences sont là, mais ils semblent être encore au maire, puisque c'est bien la production de leur profession, en tant que politique internationale, je dirais, qui gouverne encore les choses. Ça, c'est une première objection, disons, à l'idée de la perte du pouvoir. Il y en a une seconde, c'est qu'ils ont perdu le pouvoir par rapport au maire, mais ils en ont gagné par rapport au reste du personnel. Et ça, ça fait bien, on peut enfin nous donner des ordres. Est-ce que je me trompe? Je ne suis pas dans un hôpital, mais c'est le sentiment que donnent certaines des descriptions. Et en tout cas, ils en ont peut-être repris par rapport aux patients, parce que maintenant, les patients, ils n'ont plus qu'à son droit, c'est de se taire, c'est-à-dire de dire qu'ils doivent se taire. Donc, il n'y a pas quand même que du... la perte n'est pas si sèche que ça pour une partie de la profession, plus la grosse prime. Tout ça fait tomber l'angoisse et ça fait un défi. Alors, de ce point de vue... Il faut peut-être qu'on se demande. Enfin, il y a peut-être une question qu'on peut poser à ces psychiatres qui croient, qui veulent y croire, qui semblent y croire, c'est est-ce que ça marche? Je trouve que ça, c'est une bonne question. Voilà. Moi, quand je vous entends, j'ai l'impression que les gens ne sont pas mieux soignés et que ceux qui sont les plus malheureux sont malheureux. Moi, je dis que dans notre métier de la recherche, etc., on n'est pas encore au bout du calvaire, hein, mais ça va venir. Ça va finir par faire de la très très mauvaise science. Et ça en fait déjà. Or, qui est-ce qui peut juger de ça? C'est vous. Vous savez qu'est-ce qui fait du bien aux gens. Et nous, on sait à peu près comment il faut faire pour travailler, pour produire des connaissances. Nous, on sait ça. Eux, ils savent pas ça. Et c'est ça qu'il faut dire et redire sans cesse. C'est que les ignorants sont des ignorants et il faut le leur faire savoir. Donc, il faut, je suis complètement d'accord avec Michel sur la publicisation de tous ces actes de refus, mais tous ces actes de refus, notamment ceux que tu énumérais, ils ont une finalité, c'est de continuer à bien travailler. Voilà. Hein, bien d'accord avec ça. Donc, moi, ce qui me semble, c'est que ce travail inlassable, difficile, qui consiste à dire. Nous, on sait, vous ne savez pas, et on va le dire, on va le faire savoir, et on va le proclamer, c'est indispensable. Alors, c'est un petit côté réactionnaire, mais moi, ça, j'assume. Hein. C'est-à-dire qu'on défend la profession telle qu'elle était définie. Ok. Pourquoi pas? On n'a pas beaucoup d'art. Hein. Je veux dire, une espèce d'identité professionnelle collective, beaucoup plus affaiblie, semble-t-il, en psychiatrie, qu'elle ne l'est encore en sciences sociales, je crois. Elle est là, c'est une ressource, et puis, on fait du nous comme on peut. Et on fait du bon encore. Donc, par conséquent, dénoncer sans cesse l'ignorance des bureaucrates de la science chez nous, l'ignorance, l'absurdité des critères de l'ERS, faut-il pour autant aller dans les comités de visite? Ou alors on y va en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces critères à la loi? Alors, on dit autre chose, chers collègues, je ne sais pas. Mais refuser sans arrêt de prendre des vessies pour les dentaires et de faire croire que tout ça, ça n'en a pas. Sinon, il a été écrit ici. Donc il me semble que la bataille pour mieux travailler dans les domaines respectifs est une bataille qui n'est pas complètement parce que c'est des arguments qui peuvent au moins être entendus par nos pairs et peut-être au-delà. D'autres observations ? Tu as raison de dire justement est-ce que ça marche ou pas, parce que les patients, il suffit de voir ce qu'ils racontent, ou alors que vous regardez des émissions télé récentes sur la psychiatrie, c'est technique, c'est pas beau à voir, quoi, et les patients sont pas bien soignés. Enfin, je veux dire, accueillir quelqu'un et prendre soin de lui, ça demande un travail considérable, et ça, les grilles, ça marche pas pour ça. Et vraiment, voilà, moi je voulais juste dire ça qu'au fond, les gens ne s'y trompent pas quand ils sont vraiment dans le pétrin de la psychiatrie, quand ils sont psychiatrisés, entre guillemets aussi. C'est pas la même chose quand t'arrives, t'es en chambre d'isolement ou alors t'es médiqué à fond, et quand t'arrives, on dit d'abord bonjour, qu'est-ce qui vous arrive, qu'on cause. Tu vois, parce que le truc de parler aux gens, ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Et les gens, ils voient bien si on leur parle ou pas. Combien d'histoires on a chacun de gens qui vont voir des psys, qui leur parlent pas, qui leur donnent juste des médicaments. Donc les techniques modernes, en tout cas dans leur application là, comme ça, c'est faut bien dire que ça marche en tout cas pas mieux que celle précédente. Voilà, donc c'est ça aussi. Oui, moi aussi je voulais parler de ça. Moi aussi je voulais bien répondre à ça, c'est-à-dire que est-ce que ça marche? Je crois qu'il faut vraiment distinguer. En fait, on peut répondre à cette question qu'à partir des patients qui sont vraiment les plus malades. Parce que pour les autres, ce n'est pas tellement la question de la technique ou de la thérapie qui compte, c'est quand même beaucoup ce que nous, de notre côté, on appelle le transfert dans la relation. Et dans mon hôpital de jour PCC, comme il y avait quand même des soignants qui étaient des gens très bien, et ben, ils arrivaient quand même à être support de transfert pour certains patients et du coup, en fait, à aider certains patients quasiment malgré eux. Enfin, malgré eux, non, parce qu'ils voulaient les aider, mais pas comme ils pensaient, quoi. C'est pas ce qu'ils ont cru faire qui a opéré. Là, c'est vraiment sur les plus en difficulté qu'il faut regarder clairement les patients les plus en difficulté avec les techniques gestionnaires, sécuritaires ou comportementales. Ils sont mis de côté. Ils sont. De toute façon, effectivement, ils font même plus partie du champ de la psychiatrie, donc ils sont assimilés à une population complètement reléguée, quoi. Un point, même sur cette notion de perte de pouvoir, que je ne parlais absolument pas du pouvoir individuel. Et là, par contre, les psychiatres ont perdu la légitimité dans le champ, et je pense que les universitaires sont en train de le perdre aussi. Que certains psychiatres, les cognitifs ou comportementalistes, par exemple, soient compatibles avec les nouveaux modes de gouvernance, est une chose, et je suis convaincu qu'ils sont compatibles. Qu'ils soient organisateurs eux-mêmes de ce champ, non, pas du tout. Ce n'est pas eux qui pensent la planification de la fille. On peut vivre d'illusions. Voilà. Mais justement, alors c'est là où on arrive à la question la plus complexe, me semble-t-il, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, si les scientifiques ont perdu la légitimité, non pas de la science, mais d'organiser le champ de la science, si les psychiatres ont perdu la légitimité, non pas de traitement de leur fou, mais d'organiser le champ, dès lors qu'ils vont souligner les imperfections de l'autre, on va leur dire, mais ils s'en foutent ce que vous racontez là. Bien sûr que vous savez mieux que moi ce que c'est que l'anthropologie, mais vous ne savez pas ce que est l'anthropologie à l'université, vous ne savez pas ce que c'est que la façon dont on doit organiser les anthropologues. D'où vous tenez ce savoir, vous? Parce que vous faites de l'anthropologie dans votre coin. D'où vous tenez ce savoir comment je veux organiser tous les anthropologues? Donc il me semble que là, on est sur des légitimités qui s'opposent, et effectivement, on est bien en peine avec les outils classiques, je dirais, de lutte, pour casser un peu cela. Alors, quand même, il y a des possibilités. Il y a la résistance, et puis il y a aussi ne pas renforcer la puissance de son ennemi. Dans ce que vous disiez tout à l'heure, j'avais juste une objection. Certes, les comportementalistes pensent qu'ils ont exclu le conflit, mais ce n'est pas vrai. Et heureusement, parce que s'ils l'avaient fait, mais moi j'irais. Enfin, si on me dit qu'il n'y a plus de conflit psychique et que je vis bien, mais pourquoi j'irais défendre autre chose? Ce n'est pas vrai. Et là où nous avons une responsabilité, c'est de leur prêter la réussite qu'ils n'ont pas. Parce que bien sûr que dans ces hôpitaux, on ne parle pas de conflit psychique, on parle d'autre chose, de souffrance au travail, de mal-être, vous avez des arrêts de travail. C'est là qu'il faut aller faire justement de la résistance, observer tous les lieux où ce qu'ils disent, en fait, ne marche pas. Il y a quelqu'un que, par ailleurs, j'apprécie, que je cite souvent, mais avec lequel je suis en total désaccord, c'est par exemple quelqu'un comme Roland Gori, qui fait toute une lecture du libéralisme contemporain, en nous montrant à quel point ce libéralisme transforme les sujets. J'y crois pas un seul instant. Et ce que doit être le discours de la psychanalyse par rapport à ça, c'est pas de nous montrer en quoi le discours de Sarkozy transforme les sujets, mais en quoi il rate. Et là, qu'on soit psychanalyste ou qu'on soit universitaire, on a quand même un champ, mais absolument exceptionnel, pour aller montrer où ces discours ratent. On n'est pas obligé de leur prêter plus, ils ont déjà le pouvoir. Ils ont déjà les moyens. Il faut... Je ne suis pas... Ils transforment les institutions, mais pas les gens. Mais non. C'était pire. Dans les années 50, c'était pire. Pire, l'hôpital psychiatrique était vraiment pire. Moi qui travaille beaucoup sur les techniques, ce que j'entends là, et qu'on n'a pas, sur lequel on n'a pas insisté, c'est que toutes ces grilles, en fait, elles correspondent à une technique qui petit à petit prend de plus en plus de place, c'est l'informatique. Et moi, j'ai l'impression que c'est l'outil du pouvoir et qu'on impose à travers ces grilles et que c'est contre cette... Enfin, il faudrait reprendre la main sur l'outil informatique pour en faire ce qui va nous servir à nous au lieu de remplir les grilles qu'ils nous imposent et qui leur permettent de nous contrôler à travers ces systèmes, aussi bien au niveau individuel que collectivité. Donc Nausicaa Zabalos, doctorante à l'UHSS, et je m'intéresse aux questions de psychiatrie et justement de création de nouvelles normes. Par rapport à ce que vous avez dit sur l'informatique et d'autres choses qui ont été dites auparavant, je pense qu'il y a un souci aussi de lisibilité. C'est bien que dans le champ professionnel, les représentants de la profession disent ce qui ne fonctionne pas, mais il faut aussi peut-être qu'ils le disent à ceux qui ne comprennent pas. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un souci d'expliquer... Enfin, dans ce que j'ai pu comprendre, dans ce qui se passe en ce moment dans la psychiatrie, mais également, enfin, là je vais parler en tant que professeur. Bon, j'ai été professeur d'anglais pendant 4 ans, je le suis toujours, mais bon, voilà, bon, bref. Donc, en banlieue, il y avait donc on avait instauré donc une charte pour les élèves qui était très difficile, donc une charte qu'ils devaient respecter. Alors parfois, ça leur faisait prendre conscience qu'il y avait des choses à ne pas faire et d'autres à faire. Bon, moi, j'aimais pas trop cette distinction choses à pas faire et choses à faire, mais bon, c'était comme ça. Donc, ça a été, on va dire, tous les rectorats, enfin, en tout cas, ça a été au point de vue national, c'était les PPRE, les parcours de réussite personnalisés, je crois, éducatives. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand l'élève signait la charte, quel que soit le résultat de la charte, c'est-à-dire le résultat du parcours, même s'il continuait, on va dire, à ne pas travailler, à être conflictuel, il y avait une remontée informatique au niveau du rectorat. Et donc l'établissement, lorsqu'à chaque fois il y avait des PPRE qui étaient enregistrés, eh ben, on estimait que cet établissement, tout se passait très bien. Or, souvent, bon, ça fonctionnait peut-être pour un élève aller sur 10, mais la plupart continuaient parce que finalement, on n'avait pas dialogué avec eux. Bon, il y avait d'autres problèmes également qui se posaient, peut-être financiers, de moyens, de structures, de classes avec trop d'élèves. Mais voilà, la signature de la charte, ça fonctionnait, c'était miraculeux, on faisait remonter et tout se passait très bien dans l'établissement. Et une dernière chose, donc là, je suis revenue d'un colloque à Besançon, donc d'une association qui s'appelle Les Invités au Festin, fondée par une ancienne psychiatre, enfin une ancienne psychiatre, toujours pareil, qu'est-ce qu'ancien, une psychiatre mais qui n'exerce plus. Et qui, on va dire, a pour vocation, on va dire, de... Il y avait plusieurs GEM qui étaient présents. Elle a elle-même, elle coordonne un GEM. Donc, une forme de franchise. Moi, j'ai découvert ça, une franchisation des GEM, donc qui ont déjà un statut associatif. Mais voilà, groupe d'entraide mutuelle, mais qui... Voilà, mais qui, en plus, maintenant, devrait respecter la charte de Marie-Noëlle Besançon. Donc, ça nous ferait une sorte de réseau avec une trentaine de GEM. Il y aurait aussi des structures à l'international ou au Canada. Et en lisant bien la charte, on se rend compte que finalement, la liberté qu'il pouvait y avoir dans ces associations, qui parfois voilà, s'opposent aussi un peu, peut-être, je pense, trop fortement aux psychiatres pour des raisons bonnes ou mauvaises, là, en plus, elle disparaît complètement puisqu'ils vont être franchisés sous cette nouvelle charte. Et eux-mêmes, donc en discutant avec des animateurs, des personnes qui travaillent au sein des GEM, certains en avaient conscience et d'autres non, parce qu'ils me disaient « mais il y a la charte, c'est lisible, il y a de nouvelles méthodes, c'est démocratique, tout le monde saura ce qu'on doit faire, on fera tous pareil. » Voilà, on fera tous pareil. Donc moi, au bout de deux jours, parce que ça a duré deux jours, j'ai été assez horrifiée et je suis venue ici et je me dis « mince, c'est un peu... enfin, c'est pas les mêmes objets, c'est pas non plus les mêmes situations, mais ça y ressemble fortement. » Voilà. Oui, bon, je m'appelle Stanislas Morel, donc je viens de soutenir une thèse sur l'échec scolaire, mais sous un mode qui est un peu en relation avec la réunion d'aujourd'hui, dans le sens où j'ai enquêté dans un CMPP, donc dirigé par un psychanalyste, et dans un service de rééducation neurologique infantile, donc pour aller voir du côté des neurosciences cognitives, etc. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Christian sur la question « est-ce que ça marche ?» parce que ce qui me semble intéressant, c'est de savoir que, effectivement, c'est très intéressant de se poser cette question et d'interroger les autres, mais les autres sont très performants pour montrer que leur pratique marche très bien. Ils consacrent énormément d'énergie à toutes ces histoires d'évaluation, et de mesures, de chiffres. C'est incroyable, ces univers, ils passent leur temps à chiffrer. Il n'y a pas... Voilà. Donc, ils sont très forts. Et donc... En fait, c'est une lutte. Donc, comme nous, passons. Je vais aller à l'essentiel. Et il me semble qu'il est intéressant. Donc, c'est dans ces luttes qui sont à l'intérieur des professions, pour c'est l'un contre l'autre. Comme nous, d'ailleurs, je suis pas sûr qu'à l'intérieur de la sociologie ou des sciences sociales. Moi, je me réfère à la séance il y a un mois peut-être où j'étais absolument pas d'accord avec ce qui était proposé, etc. Donc, je pense que c'est intéressant d'identifier un nous. Quand vous dites nous, c'est qui nous? Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'identifier le nous, c'est-à-dire finalement aussi quelque chose qui permet de dépasser les frontières disciplinaires et de savoir un petit peu... Finalement, ça serait peut-être intéressant que vous en disiez un peu plus sur qui vous êtes, etc. Et qui c'est ce nous qu'on puisse identifier. Il me semble que, par exemple, effectivement, moi, sur mon domaine, l'échec scolaire, on a bien vu que les gens qui sont réunis, peut-être dans les années 60, par exemple, il y a un véritable front qui se constitue autour de la neuropsychiatrie infantojuvénile pour imposer une autre façon, d'autres représentations de l'échec scolaire. On voit que ces représentations, et les sciences sociales, la psychanalyse sont très, très moteurs, on voit que ces représentations, elles ont un petit peu périclité face au retour en force d'un objectivisme médical à partir des années 90, les neurosciences, etc., les troubles des apprentissages, les troubles spécifiques du langage, etc. Et moi, je trouve que finalement, on pourrait se demander pourquoi à chaque fois qu'il y a un retour, alors d'une pensée un peu biodéterministe ou un petit peu... Il y a la reconstitution d'un front, mais on pourrait s'interroger sur ce qui pourrait le faire durer. Parce que je crois que justement, une des questions, c'est que ce front qui a été constitué dans les années 60, il a disparu à un moment. Alors, et comment faire pour que, en ayant un peu de réflexivité sur ce qui nous réunit, mais ce qui peut réunir aussi l'appel des appels, même si on n'est pas d'accord, etc., entre des professionnels des horizons différents, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble et qu'est-ce qui fait que ça peut durer et que ça ne va pas péricliter autour de différences entre l'individu, le collectif, enfin, de tout. Rebondir sur deux points. Le premier, c'est concernant les nous, il faut réfléchir à ce qui constitue le nous, mais pas trop. Parce que je crois que les nous se fabriquent dans le mouvement, dans l'action, dans l'ambiguïté, et qu'il y a des accords larges qui peuvent se faire, d'autant plus larges parfois qu'on n'a pas explicité tous les attendus. C'est comme ça qu'on est très nombreux dans la rue, et quand on discute trop parfois, c'est un peu paradoxal bien sûr ce que je dis là, mais on a besoin, pour une part, non pas de taire, mais en tout cas de laisser en suspension un certain nombre de différends à l'intérieur d'un monde qui a besoin d'être ensemble parce que l'adversaire est très fort. Bon, c'est juste. Et enfin, un deuxième point, ce que vous disiez, madame, à propos de la remontée des chiffres vers le rectorat, ou ce que vous disiez à l'instant sur la façon de s'auto-présenter chez les sectateurs des TCC, me faisait penser à ce très beau livre d'Alain Blum et de Martine de Mespoulet, l'anarchie bureaucratique. Dans l'Union soviétique stalinienne, le rôle des statisticiens. et l'importance que pouvait avoir une fabrication de la réalité qui, on le sait aujourd'hui, était une pure fiction, mais qui avait une efficacité politique tout à fait considérable et qui contribuait à sinon à sauver les statisticiens qui ont finalement été quand même fusillés, au moins à faire tenir après, c'est ça, après qu'ils aient servi, voilà. Et contre la fabrication de ces fictions, mais là c'est peut-être un appel aussi aux membres de ce séminaire pour qu'on travaille un peu plus dans cette direction. Chaque fois, comme on l'a fait un peu aujourd'hui, je crois, qu'on essaye de décrire très finement, très simplement, très ethnographiquement ce qui se passe en vrai, on gagne. À condition, bien sûr, de faire savoir ce qu'on a observé. Parce qu'à ce moment-là, toutes les fictions qu'on nous oppose, on dit... Regardez, on se donnerait un peu plus ça dans ce séminaire comme tâche, aller jusqu'à la publication d'ailleurs, de toutes sortes d'observations sur le New Public Management en réalité. Voilà déjà le titre du livre, ça serait quand même pas mal. Voulez-vous avoir le mot de la fin, tous les trois, ou l'un des trois, ou deux des trois? C'était parfait comme...